Je voulais chanter une chanson avec ma femme. Je ne sais pas si elle va arriver. Viens. Hein? Bon, oui, viens, Sarah va t'aider. Elle n'est pas chanteuse, mais elle veut. Je voudrais quand même chanter avec elle. Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a aimé avant la fondation du monde. Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as choisi? Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a élu avant la fondation du monde. Oh, oh. Pourquoi tu m'as fiancé? Oh, oh, oh. Pourquoi tu m'as fiancé? Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a fiancé depuis l'âge de Paul. Pourquoi tu m'as Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a doté sur les voies du calvaire. Pourquoi tu m'as marié? Oh, pourquoi tu m'as marié? Ça je ne sais pas, ça je ne sais pas. Si j'ai la réponse, je serai un menteur. Pourquoi tu m'as fiancée? peux te rendre, c'est que Jésus m'a donné. Il m'a fiancé depuis l'âge de Paul. Pourquoi tu m'as donné? Pourquoi tu m'as donné? Je ne peux que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a doté avec son sang. Oh, oh. Pourquoi tu m'as marié? Pourquoi tu m'as marié? Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a marié. Oh, message de l'heure. Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? Ça, je ne sais pas. Si j'ai la réponse, je serai un menteur. Même moi-même, je ne sais pas. Oh, oh, oh.